Chapitre 17 Cléopâtre, reine d'Égypte. 1. Le frère et la sœur. Si nous avions classé nos notices par ordre chronologique, l'histoire de Cléopâtre eût dû paraître la première, mais nous avons cru, en invertissant cet ordre, donner plus de variété à nos récits. Nous avons aussi que nous avions à craindre d'effrayer quelques-uns de nos lecteurs à qui des galanteries de cette reine momifiée depuis tant de siècles pouvait faire l'effet d'une étude aussi amusante qu'un discours de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Cependant, cette histoire, dont nous élaguerons tous les détails trop sérieux, n'est qu'une histoire de passion, comme les précédentes. L'amour est toujours le même aux différents âges de l'humanité. L'Égypte a compté plusieurs reines du nom de Cléopâtre. La plus célèbre, celle dont il s'agit ici, était fille de Ptolémée XI, Aulette. Le testament de son père la laissa co-héritière du trône avec son frère Ptolémée XII, que, selon la coutume égyptienne, elle devait épouser. Elle avait 17 ans. À cet âge, une égyptienne est une femme. Plus âgée que son frère, elle prétendit gouverner seule, mais son ambition se heurta à une volonté énergique. Ptolémée résista. Il se retira en Syrie et y leva une armée. Dans le même temps, la guerre civile avait également éclaté dans la République romaine. Pompée et César étaient aux prises. Vaincu en Grèce, Pompée s'était réfugié en Égypte et Ptolémée, afin d'être agréable au vainqueur, l'avait fait lâchement assassiner. Mais une telle action ne pouvait plaire à César. Ptolémée ne récolta que le mépris et même la haine. Ptolémée Aulette avait dans son testament nommé le peuple romain tuteur de ses enfants. César se chargea de représenter le peuple romain et se déclara juge du différend survenu entre ses pupilles. Il appela devant lui Ptolémée et Cléopâtre. Celle-ci lui envoya des chargés d'affaires et lui ordonna de venir sans délai, elle-même, à Alexandrie. Quelle femme attendait-il? Quoi qu'il en eût beaucoup entendu parler, elle devait surpasser tout ce qu'il attendait d'elle. Sous prétexte qu'elle craignait d'être en spectacle au peuple d'Alexandrie, elle pria un de ses favoris, Apollodore, de l'envelopper dans un tapis et de la porter sur ses épaules jusque dans le palais, jusque dans la chambre de César. Ce caprice étrange, autant que la grâce originale et la beauté de la jeune reine, séduisirent César de prime abord. Cléopâtre n'était pas une femme d'une beauté régulière, sculpturale. Elle n'avait ni la taille élancée de Vénus, ni les charmes de la majestueuse Junon. Mais, bien prise dans sa petite taille, délicate, gracieuse, elle avait ce qui manqua de toute éternité à ces déesses grecques. Une physionomie dont le charme, dont l'attrait, était irrésistible. Des yeux de flamme, l'expression d'une nature intelligente et passionnée. Appien d'Alexandrie et Dion Cassius, ses contemporains, nous permettent de l'imaginer ainsi. Ils ajoutent qu'elle possédait une instruction aussi solide qu'étendue. Elle parlait toutes les langues et n'était étrangère à aucun art, et surtout à ceux de persuader et de plaire. C'était l'Asie souple, ardente et spirituelle en présence du maître de l'Europe, dont les souvenirs ne pouvaient lui opposer que les lourdes et ignorantes romaines. Le génie de l'Orient enveloppé d'une magnificence dont le goût athénien avait corrigé l'emphase. César fut étonné d'abord, puis ravi et captivé. Si bien que le lendemain, il voulut que Ptolémée partageât le trône avec Cléopâtre et se réconciliât avec elle. Mais celui-ci, en voyant sa sœur chez le dictateur romain, avait pris l'alarme. Il n'avait pas douté de son succès. Courant à la place publique, il se déclara trahi et appela le peuple aux armes. Le bon peuple, les Égyptiens de cette époque, ne différaient pas des peuples modernes dans leur dévouement à leur prince. Se souleva en faveur de Ptolémée et assiégea César dans son palais. Le Romain n'avait pas avec lui toute son armée. Il se barricada et attendit des secours. Et les renforts étant arrivés, il reprit l'offensive. Les Égyptiens furent vaincus et Ptolémée se noya dans le Nil. Ce court exposé d'événements si graves sous-entend un bon nombre de jours et de nuits pendant lesquels César trouva, auprès de Cléopâtre, les plus délicieuses distractions aux ennuis du siège. Les légions qui accouraient à son secours arrivèrent peut-être trop tôt, à son gré, et Ptolémée était moins heureux que lui. La mort de ce dernier simplifiait tout. César donna le trône à Cléopâtre et, avant de quitter l'Égypte, obligé qu'il était de poursuivre les derniers partisans de Pompée, il donna pour époux à la jeune reine un enfant de 11 ans, le plus jeune et le dernier des Ptolémées Aulettes. Ceci se passait en l'an 46 avant Jésus-Christ. devenu maître du monde, César se souvint de Cléopâtre. Elle vint à Rome avec son frère époux et un enfant dont le nom disait assez l'origine, Césarion. La passion de César pour la reine ne s'était pas éteinte. Cet insatiable débauché avait gardé, toujours ardent, le souvenir des délices d'Alexandrie. Cléopâtre et son époux logèrent dans son palais. Il les fit admettre au nombre des amis du peuple romain et plaça dans le temple de Vénus, près de la déesse, la statue en or de Cléopâtre. Ces honneurs extraordinaires, décernés à une reine barbare, déplurent au peuple et excitèrent des murmures. Mais son retour en Égypte eut d'autres causes que ce mécontentement passager. On les trouvera dans l'histoire romaine. Rentrée à Alexandrie, la maîtresse de César voulut donner tous ses soins à la politique, et s'apercevant que l'enfant qu'on lui avait donné pour époux devenait un homme et atteignait sa 15e année, elle l'immola à son ambition et le fit périr. Ce fratricide n'a rien qui étonne les historiens de son temps. C'est un acte politique que la conduite du premier époux semble avoir indiqué et presque légitimé. Cependant, on le verra, cette charmante Cléopâtre était cruelle et mêlait volontiers le meurtre à ses voluptés. À peine était-elle de retour en Égypte, une nouvelle guerre civile éclata dans le monde romain et elle fut accusée d'avoir fait passer des secours à Cassius et à Brutus. Marc-Antoine, partant pour combattre les Parthes, lui ordonna de se rendre en Cilicie pour expliquer sa conduite. 2. Marc-Antoine. Les Parthes étaient un peuple qui habitait au sud du mont Caucase. La Cilicie était une province de l'Asie mineure qui était bornée au nord par le mont Taurus et au sud par la mer de Chypre. Le trajet d'Alexandrie en Cilicie était un assez long voyage à cette époque. Cependant, Cléopâtre ne jugea point prudent de s'y refuser et, décidée à se rendre aux ordres du général romain, elle résolut en même temps de le vaincre, bien qu'elle n'eût pas d'armée. N'avait-elle pas vaincu César ? Cette fois, elle usa d'une magnificence près de laquelle eut pâli celle de la reine de Saba qui éblouit Salomon. Elle s'embarqua sur un vaisseau dont la poupe était dorée, dont les voiles étaient de pourpre. Elle s'établit sur le Tillac, dans toute la pompe d'une déesse au repos. C'était la déesse de la beauté. À ses pieds, des enfants représentaient les amours. Ces femmes, toutes d'une beauté rare, costumées en Néréides, étaient disposées avec une mise en scène savante au gouvernail et près des rameurs. Des groupes faisaient fumer l'encens, on jouait de la flûte et de la lyre. On eût dit Vénus sortant de l'onde. Un peuple immense bordait les rives du Cydnus lorsqu'elle le remonta, et ce peuple ébloui croyait à une apparition divine. Ce fut au milieu de cette admiration enthousiaste qu'elle aborda à Tarse. Marc-Antoine, en ce moment, assis à son tribunal sur la place publique et entouré de ses licteurs, rendait la justice. Prévenu de l'arrivée de la reine, il la fit inviter à se rendre devant lui. Cléopâtre s'excusa, alléguant les fatigues d'un long voyage, et pria le général d'accepter à dîner sur son vaisseau. Marc-Antoine avait entendu les cris d'admiration de la foule. Sa curiosité était excitée. Il crut avoir assez fait pour la dignité romaine et accepta l'invitation. L'Égyptienne l'attendait, au piège savant de son luxe et de sa coquetterie, et, bien que le luxe asiatique ne fût plus étranger au général romain, néanmoins, il fut ébloui. Ébloui, puis charmé. Il allait au-devant d'une accusée, il oublia qu'il l'avait citée à son tribunal. Elle ne songea point à se justifier, et lui ne songea bientôt qu'à lui plaire. Les fêtes se succédèrent et ils rivalisèrent de magnificence. Pline raconte que Cléopâtre, pour l'emporter, dit un jour à table qu'elle pouvait en repas dépenser jusqu'à 10 millions de sesterces. Antoine la mit au défi et Plancus à la gageure. La reine alors détacha de ses oreilles deux perles énormes, fit apporter une coupe remplie de vinaigre, y fit dissoudre une des perles et l'avala. C'était une perle de 1 500 000 francs. Plancus s'empara de la seconde et déclara Antoine vaincu. La perle sauvée fut emportée à Rome. Après la mort de la reine, elle fut partagée en deux et placée aux oreilles de Vénus dans le Panthéon. Le même historien rapporte une autre anecdote non moins curieuse. C'était encore dans un de ses festins. Elle causait avec Marc-Antoine qui, ravi de sa parole, oubliait la coupe qu'il tenait à la main. tout en lui causant, Cléopâtre détachait, pétale à pétale, les fleurs naturelles qui ornaient sa chevelure et les jetait dans la coupe de son amant. Celui-ci n'en voyait rien, mais lorsqu'il voulut boire, « Attends !» dit la reine en arrêtant sa main. Puis elle fit signe à un esclave à qui elle tendit la coupe en lui ordonnant de boire. L'esclave obéit et tomba presque aussitôt en proie aux convulsions d'un poison mortel. « Tu vois, » dit-elle à Marc-Antoine, « si je ne t'aimais, rien ne m'eût été si facile que de te faire périr, mais ma vie est la tienne. » Elle savait frapper l'imagination de ses amants et les séduire par l'étrangeté de ses caprices. Elle savait aussi deviner leurs goûts et les flatter adroitement en paraissant les partager. Marc-Antoine auprès d'elle n'était qu'un soldat simple et grossier, mais elle lui fit oublier le soin de sa gloire et de son ambition. Sa passion devint plus violente que celle de César. Il renonça à son expédition contre les Parthes et la suivit en Égypte, où ils passèrent l'hiver en fête. Se conformant à son caractère, elle variait sans cesse ses plaisirs, parcourant, des degrés les plus élevés aux degrés les plus bas, l'échelle des voluptés et des divertissements, tour à tour raffinée et grossière. Aussi, elle l'accompagnait à la chasse, jouait aux dés, parcourait avec lui incognito les rues d'Alexandrie pour se mêler à la populace et s'amuser de ses propos. Chaque jour avait des plaisirs nouveaux. Chaque jour, l'heureux amant trouvait dans sa maîtresse une femme nouvelle. Aussi combien il lui en coûta de quitter l'Égypte, de s'arracher à cette enchanteresse pour regagner Rome où la plaît sa rivalité avec Octave. La paix du monde l'exigeait. Il revint à Rome, se réconcilia avec son rival et épousa même sa sœur Octavie, le cœur toujours plein de son amour pour Cléopâtre. Pendant plusieurs années, les événements politiques l'empêchèrent de retourner en Orient. En l'an 36 avant Jésus-Christ, il reprit contre les Parthes une guerre malheureuse, où il faillit se perdre avec son armée tout entière. Il réunit les débris de ses légions en Phénicie. Cléopâtre vint l'y rejoindre, et les deux amants reprirent ensemble la route d'Alexandrie. Leur passion s'était ranimée plus violente qu'autrefois. Marc-Antoine ne se souvint plus ni de ses devoirs, ni de ses promesses à Octave, ni de son épouse. Cléopâtre parut, il se livra à elle. Il renonça pour elle au monde entier. Il devint véritablement le roi d'Égypte, adoptant les mœurs, les coutumes des bords du Nil, réduites à l'état d'Hercule au pied d'Omphale, de Tancrède chez Armilde, de tant de vaillants guerriers volant du combat à l'amour et succombant sous les artifices des magiciennes et des enchanteresses. Le trône d'Égypte était un lit très moelleux, d'où il était très difficile de s'arracher. Et qui sait ? Peut-être Antoine s'était-il demandé, sans avoir trouvé de réponse satisfaisante, pourquoi il quitterait une reine qui mettait à sa disposition un vaste royaume. Ce royaume ne pouvait-il devenir le noyau d'un immense empire oriental? Et tandis qu'Octave s'affermissait en Occident, ne pouvait-il, avec les troupes solides dont il disposait encore et les ressources de l'Égypte, se créer un empire d'Orient? Il est probable qu'il y songea. Ce qui appuierait cette supposition, c'est cette fête qu'il donna au peuple d'Alexandrie et à sa reine. C'était une sorte de fiction allégorique. Il avait fait enlever par trahison le roi d'Arménie, Artabase, et avait organisé le spectacle d'un triomphe à la mode romaine. Il présenta le malheureux roi enchaîné à Cléopâtre, assis sur son tribunal comme un magistrat romain. Le peuple fut convié aux tables d'un repas immense, où il avait fait dresser plusieurs trônes d'or. Les deux trônes les plus élevés étaient pour Cléopâtre et pour lui, et les autres pour ses enfants. Césarion y fut proclamé roi d'Égypte et de Chypre avec sa mère, et, disposant de royaumes à conquérir, il les désigna en héritage aux autres enfants qu'il avait eus de la reine. L'Asie mineure fut ainsi distribuée. N'était-ce pas l'Empire d'Orient ? Mais à la vérité, son influence était déjà prépondérante sur tous ses rivages, qui, des bouches du Nil, s'étendent jusqu'à l'entrée de la mer Noire, le pont Euxin. Il régnait sur les anciennes colonies grecques. Pour plaire à Cléopâtre, qui se piquait de protéger les savants, il fit apporter à Alexandrie la riche bibliothèque que Mène avait fondée à Pergame. 200 000 volumes. C'était agir en maître. Auguste parut le comprendre. Il s'irrita et s'alarma de cette transformation du général romain, parti pour combattre les Parthes, vaincu par ces barbares, et des débris de sa défaite se construisant un empire qui, un jour ou l'autre, pourrait se déclarer indépendant. Pour les Romains, la conduite d'Antoine était une trahison. Et en jugerions-nous autrement aujourd'hui ? Auguste fit donc déclarer la guerre à Cléopâtre dans une assemblée du peuple. Antoine assembla aussitôt une armée et quitta l'Égypte, choisissant la Grèce pour champ de bataille. Cléopâtre l'accompagna. Les Grecs les considéraient comme leurs alliés naturels. Athènes leur décerna les plus grands honneurs et Antoine se plut à paraître devant Cléopâtre comme citoyen athénien pour lui porter les hommages des habitants. Mais nous allions omettre un fait qui prouve que, si Antoine était l'esclave de la reine, celle-ci ne tremblait pas moins de perdre son amour. Avant de débarquer au Pirée, la flotte égyptienne avait relâché à Éphèse. Là, elle crut surprendre dans les yeux de sa sœur Arsinoé l'expression d'un sentiment trop passionné pour Antoine. Elle devint jalouse et fit mettre sa sœur à mort. L'ombre d'Arsinoé alla rejoindre sur les bords du Styx celle de Ptolémée, son frère. Il y aurait là matière à un dialogue des morts à la manière de Lucien. Cléopâtre ambitionnait de devenir l'épouse d'Antoine, mais celui-ci, si faible qu'il fût, n'y pouvait consentir. L'orgueil de sa qualité de Romain, l'estime qu'il avait gardée pour sa femme Octavie, et peut-être encore la secrète pensée de se servir de celle-ci comme médiateur, s'il devait tomber vaincu à la discrétion d'Auguste, tout s'opposait chez lui à ce dessein. Nous y insistons. Ce n'est peut-être qu'un paradoxe, mais il est possible que le caractère d'Antoine ait été mal jugé et que chez ce voluptueux, il y eut l'ambition et la politique d'un conquérant. Les lettres que l'on a de lui ne suffisent pas à le juger. Dans ses lettres, il parle avec légèreté de sa passion pour la reine d'Égypte, mais ce ton est peut-être affecté. On sera de cet avis sans doute après avoir lu ce qui suit. 3. Actium. Si Antoine avait été accompagné à la guerre par Cléopâtre, peut-être le dieu Mars, qui à cette époque tenait encore le portefeuille de la guerre, lui eût-il donné la victoire. La présence de Cléopâtre lui fut funeste. On n'attend pas de nous ici le récit de la bataille d'Actium. Nous devons nous borner à dire qu'au plus fort de la lutte, la reine d'Égypte fut saisie d'une terreur panique. Elle fit virer de bord son vaisseau et prit la fuite. Les 60 galères égyptiennes suivirent son mouvement. Antoine, à cette vue, éperdu, courut à Cléopâtre, se jeta sur son navire, voulut la retenir peut-être. Mais il était trop tard, et cette défection de la flotte égyptienne avait décidé du sort de la bataille et de l'empire du monde. Accablé de honte, déshonoré, dévoré de regrets, le malheureux s'assit près du gouvernail, seul, la tête dans les mains, repoussant toute consolation et toute nourriture, tandis que la flotte fugitive faisait force de rame vers l'Égypte. En vain, Cléopâtre essaya-t-elle de l'arracher à son désespoir. Pendant 3 jours, il demeura morne et silencieux. De son côté, la reine, bientôt revenue de sa folle terreur, sentait l'énormité de sa faute, et on la vit verser des larmes, non sur son sort, mais sur celui de son amant qu'elle avait perdu. Ils regagnèrent Alexandrie. Et là, comme pour s'étourdir, Antoine se plongea de nouveau dans les plaisirs que sa maîtresse imaginait sans cesse et qui les faisait appeler auparavant, eux et leurs amis, la bande de la vie inimitable. Ils avaient en effet recherché avec une ardeur et une imagination infatigables tous les genres de divertissement et demandé à tous les genres d'existence le secret d'une volupté. Le monde oriental n'était plus pour eux que le vaste laboratoire de leurs plaisirs. Les savants de l'antique pays des pharaons, les explorateurs de ces contrées de l'Inde encore mystérieuses, avaient pour eux épuisé les uns les trésors de leur science, les autres les richesses de leurs découvertes. Parfois, lassés de la terre, ils avaient tourné vers le ciel un regard d'envie. Rassasiés d'être rois, ils désiraient être dieux. Cléopâtre, nouvelle Isis, paraissait en public avec les attributs de cette déesse, tandis qu'Antoine se parait de ceux d'Osiris et de Bacchus. Il se faisait rendre des honneurs divins. Enfin, comme les dieux ne peuvent engendrer que des dieux, ils donnaient à leurs enfants les noms de lune et de soleil. On possède encore des médailles, monuments de ces folies. L'une d'elles porte en légende, autour de l'image de Cléopâtre, Théa Néotéra, la nouvelle déesse. Au revers est le portrait de Marc-Antoine. Ces images confirment l'opinion d'Appien et de Plutarque sur la beauté de Cléopâtre. elle était moins belle que l'on fait imaginer les drames légendaires de ses passions. Après Actium, en se replongeant avec furie dans les plaisirs, les deux amants avaient renoncé à s'entendre appeler les viveurs inimitables. Ils avaient pris pour devise ceux qui sont résignés à mourir ensemble. Les succès toujours croissants d'Octave ne leur permettaient aucune illusion. Leurs jours étaient comptés. Au milieu des festins, des orgies, la reine mêlait des idées funèbres aux jouissances dont elle épuisait les dernières coupes, par un raffinement tout égyptien, car on sait que ce peuple extraordinaire alliait à ses fêtes les souvenirs des morts et tout ce qui peut rappeler la brièveté de la vie. Tandis que Marc-Antoine cherchait à noyer ses regrets et ses craintes dans le vin de Chypre, Cléopâtre se faisait apporter des coupes et y mêlait des poisons qu'elle essayait sur des animaux et même des esclaves. Et sans interrompre les joies brillantes du festin, elle interrogeait les convulsions de ses victimes et leur demandait le secret de la mort la moins cruelle ou la plus prompte. Elle s'était déjà arrêtée à la résolution du suicide. Le caractère froid et prudent d'Octave ne lui laissait aucun espoir. Elle ne pouvait songer à le séduire ainsi qu'elle avait fait de César et d'Antoine. Puis, 14 ans s'étaient écoulés depuis sa victoire sur le premier César, 14 ans dont les excès devaient avoir altéré sa beauté. Autrement, bien qu'elle aimât Antoine, elle n'eût pas désespéré. À mesure que le temps se perdait, les idées les plus opposées se heurtaient dans son esprit. Tantôt, elle songeait au suicide et tantôt à la fuite. Ainsi, elle avait conçu le projet gigantesque de faire franchir à sa flotte l'isthme de Suez et de la transporter par terre dans la mer Rouge, qui lui ouvrait la route de l'Inde. Ce projet reçut un commencement d'exécution, il n'était peut-être pas impraticable. Il rappelle l'expédition de Garibaldi qui, bloquée avec sa flottille à l'embouchure du Lagoa par les forces brésiliennes, fit aller ses navires sur le rivage, les fit poser sur de forts essieux auxquels on adapta des roues énormes, attela à chaque navire 200 bœufs et fit franchir à sa flottille un espace de 80 kilomètres jusqu'à l'océan, où il arriva sans avarie. Mais, pour exécuter un semblable dessein, si les moyens matériels ne manquaient pas à la reine d'Égypte, le sang-froid et l'énergie lui faisaient défaut. Plusieurs navires furent entraînés dans les sables de l'isthme, mais ils y furent pillés et détruits par les Arabes. En même temps, elle faisait construire près du temple d'Isis un monument où elle voulait s'ensevelir avec ses trésors. Cette construction funéraire s'achevait, tandis qu'Antoine, à la tête d'une armée déjà découragée, allait livrer à Octave un dernier et inutile combat. Le vainqueur, arrivant par la Syrie, aurait peut-être rencontré la flotte sur l'isthme, si l'on eût réussi à l'y traîner. En apprenant la défaite d'Antoine, la reine abandonna tout espoir et se retira dans son tombeau. Elle fit répandre le bruit de sa mort. Antoine, à son tour à Alexandrie, croyant à son suicide, se frappa de son poignard. Mais comme il n'était pas mort sur le coup, il eut le temps d'apprendre que Cléopâtre vivait encore. Il demanda à être transporté dans l'asile qu'elle s'était choisi, mais déjà les troupes d'Octave arrivaient dans la capitale. Cléopâtre a entendu les cris du peuple en même temps qu'on lui annonce que son amant blessé demande à pénétrer jusqu'à elle. Elle tremble à la pensée d'ouvrir la porte de son tombeau. Les soldats d'Octave pourraient en profiter. Elle refuse d'ouvrir, puis elle offre de hisser le mourant jusqu'à une fenêtre. On suspend la litière d'Antoine à des cordes, et la reine et ses femmes hissent celui-ci jusqu'à elle. Antoine arriva mourant dans le refuge de Cléopâtre. Celle-ci lui prodigua les soins les plus tendres, mais en vain. Quelques instants plus tard, il expirait dans ses bras. 4. Les derniers jours de Cléopâtre. La mort d'Antoine ne surprit point Octave, mais la retraite choisie par Cléopâtre contrariait ses projets. Il voulait prendre la reine vivante pour la faire figurer dans les pompes de son triomphe à Rome. Il craignait qu'elle ne se fît périr et ne pouvait songer, pour cela même, à essayer d'un coup de main pour l'arracher à sa retraite. En vain essaya-t-il d'obtenir une entrevue avec elle et de la rassurer sur ses desseins. C'était peine d'éloquence perdue. Enfin, dans cette singulière forteresse, qui n'était gardée que par des femmes, il réussit à faire pénétrer par trahison quelques-uns de ses soldats. Avant que Cléopâtre fût avertie de cette trahison et pût chercher la mort, elle était entourée par les Romains et gardée à vue. Alors elle fit demander à Octave la permission de rendre à Antoine les honneurs funèbres. Il y consentit. Ce fut la dernière cérémonie dans laquelle la reine étala son faste et manifesta sa passion. Elle y épuisa tous les trésors qui lui restaient. Tout ce qu'elle possédait, Tout ce qu'Antoine avait aimé devait périr avec lui. Elle n'épargna même point sa beauté. Elle se meurtrit le sein et le visage sur le tombeau de son amant. Épuisée, ensanglantée et livide, elle était sur son lit où elle semblait attendre la mort. Lorsqu'elle reçut la visite d'Octave, elle se sentit humiliée d'être vue en cet état. L'orgueil et un reste de coquetterie, sans doute, l'arrachèrent à son abattement. Elle n'avait plus la jeunesse et la beauté, la douleur avait bouleversé ses traits, mais le prestige de ses grandeurs passées, de ses succès, lui restait encore. Ses yeux avaient encore gardé cette flamme qui avait brûlé César. Elle n'avait rien perdu de l'art de bien dire et de bien persuader, cet art de la Grèce auquel le successeur de César n'était pas insensible. Ne pouvant s'adresser au cœur d'Octave, elle s'adressa à son esprit. Elle le flatta en le comparant à César. Elle lui parla de la clémence de celui-ci. Il savait être grand après la victoire, par sa générosité envers les vaincus. Il leur commandait à la fois l'admiration et l'amour. La générosité était une des forces de sa politique. Elle ne croyait pas mourir sans gloire, ayant été aimée de ce grand homme, et la mémoire de César devait la protéger encore. Octave loua César et déclara qu'il s'efforçait de l'imiter, mais il ne se livra par aucune promesse. Il ne laissa à la captive assez d'espérance que pour la détourner de la mort. Ni raisonnement ni prière ne pouvaient le faire renoncer à son dessein. Cléopâtre le sentit et renonça à le fléchir. Alors, elle lui demanda de lui permettre d'aller faire quelques libations au tombeau d'Antoine, ce qui lui fut accordé. Elle se rendit avec deux de ses femmes au tombeau d'Antoine, et là, couchée sur le marbre, elle s'adressa en ces termes, selon Plutarque, à celui dont elle avait causé la perte. « Ô mon cher Antoine, je t'ai rendu naguère des honneurs funèbres avec des mains libres, mais maintenant je suis prisonnière. Des satellites veillent autour de moi pour m'empêcher de mourir, afin que ce corps esclave figure dans la pompe triomphale qu'Octave se fera décerner pour t'avoir vaincu. Ne compte pas sur de nouveaux honneurs funèbres. Voici les derniers que Cléopâtre pourra te rendre. Tant que nous avons vécu, rien ne pouvait nous séparer l'un de l'autre. Mais nous courons le risque, après notre mort, de faire un triste échange de sépultures. Toi, citoyen romain, tu auras ici un tombeau, et moi, infortuné, le mien sera dans ta patrie. Mais si les dieux de ton pays ne t'ont pas abandonné comme les miens, fais que je retrouve un asile dans ta tombe et que je me dérobe à l'ignominie qu'on me prépare. Cher Antoine, reçois-moi bientôt à tes côtés, car de tous les maux que j'ai souffert, le plus grand encore, en cet instant, c'est ton absence. » Sa prière fut exaucée. Rentrée dans son mausolée, elle parvint à tromper ses surveillants en se faisant apporter une corbeille de fleurs dans laquelle était caché un aspic. Elle plongea sa main dans la corbeille, le reptile la mordit et la délivra. Deux de ses femmes, Ira et Charmion, se donnèrent la mort avec elle. Elle avait 39 ans. Octave, sur le conseil d'Arius, fit mettre à mort Césarion. Les enfants de Marc-Antoine, Alexandre, Ptolémée et Cléopâtre, régnèrent plus tard sur la Médie et la Syrie.